بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc ceci est le deuxième hadith que nous étudions pendant ce mois du Ramadan parmi les 40 hadiths qu'a réuni al-Nawawi rahimahullah. Et le hadith d'aujourd'hui est le hadith numéro 18 an Abi Dharr ibn Junada Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. Donc selon Abi Dharr, Jundub ibn Judada et Abu Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action par une bonne qui l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Rapporté par Tirmidhi, et il a dit: hadith hasan, c'est un hadith hasan, c'est-à-dire bon. Et dans certains exemplaires de son jami', il a dit hadith hasan sahih, hadith bon et authentique. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه ثلاث كلمات، كل كلمة وصية مستقلة. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, hafidhahullah, ce hadith contient trois phrases. Chaque phrase est une exhortation à elle-même, à elle seule. وهو منهج المسلم يسير عليه في حياته وتعامله مع الله وتعامله مع نفسه وتعامله مع الناس. Et ce hadith, il montre la voie du musulman sur laquelle il doit marcher durant sa vie, dans son comportement ou dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa relation avec lui-même et dans sa relation avec les gens. أولاً في تعامله مع الله. Premièrement, dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. يجب على المسلم أن يتقي الله بطاعته وترك معصيته. Il est une obligation pour le musulman de craindre Allah en lui obéissant et en délaissant sa désobéissance. فالتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه لأن هذا يقيه من عذاب الله وغضبه. La piété, c'est de faire ce qu'Allah a ordonné et de délaisser ce qu'Allah a interdit. Car ceci préserve l'homme du châtiment d'Allah et de sa colère. وَتَقْوَى اللَّهِ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ تجمع كل خصال الخير. Et la crainte d'Allah, ou la piété vis-à-vis d'Allah, c'est un mot général qui englobe tous les actes de bien. C'est un acte général qui englobe tous les actes de bien. قال طلق بن حبيب التابعي العالم العابد الزاهد تقوى الله تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. Talq ibn Habib, le grand tabi'i, qui était un savant, un dévot et un ascète, il disait: la crainte d'Allah ou la piété envers Allah, c'est d'accomplir l'obéissance à Allah avec une lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, et de délaisser la désobéissance à Allah avec une lumière venant d'Allah, en craignant le châtiment d'Allah. Et cette parole de Talq ibn Habib, je l'ai prise de l'explication d'Ibn Rajab, rahimahullah. Et cette définition qu'il a donnée, elle nous montre que la piété est basée sur la connaissance, l'application de cette connaissance et la bonne intention. Car il dit, la piété envers Allah, c'est d'accomplir l'obéissance d'Allah avec une lumière venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah. Donc tu agis, tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est un acte. Avec une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science. Tu dois avoir science que cette chose que tu es en train de faire fait partie de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois avoir la preuve que l'acte que tu es en train de faire a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en espérant, tu fais tout cela en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci montre, ceci est une indication sur l'intention, qu'elle doit être sincère et que tu dois faire cet acte-là que tu as fait avec connaissance, tu dois le faire avec l'intention de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir sa récompense. Et de la même façon pour la désobéissance, il te dit, Talq ibn Habib il dit, et que tu délaisses la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ceci est un acte de délaisser la désobéissance, de délaisser les péchés, avec une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science. Tu dois avoir connaissance, tu dois avoir une science que cette acte que tu es en train de délaisser fait vraiment partie de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit du shirk, du polythéisme, que ce soit du kufr, de la mécréance, que ce soit une innovation, une bid'a, ou que ce soit un péché, grand ou petit. Donc tu dois avoir science de cela. Donc tu délaisses cet acte de désobéissance avec science, avec connaissance. Et l'indication sur l'intention, par quoi? Par crainte du châtiment d'Allah, il te dit. Donc tu délaisses ce péché, tu délaisses cette désobéissance. Pourquoi? Parce que tu crains le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. prochaine. أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Donc, Cheikh El Fawzan dit, et la piété est l'exhortation qu'Allah a donnée à toutes ses créatures. Le Très-Haut dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, et nous avons enjoint ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi que vous-même, à craindre Allah. Dans une autre explication de ce hadith, Cheikh Saleh, dans l'explication de Cheikh Saleh al-Ishir, Cheikh Saleh nous dit: وقد أمر الله تعالى نبيه بالتقوى في قوله يا أيها النبي اتق الله كما أمر بها المؤمنين في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc Cheikh Saleh al-Sheikh, dans son explication de ce hadith, dit: et certes, Allah a ordonné à son prophète de le craindre et d'être pieux lorsqu'il dit: ô prophète, crains Allah, de la même façon qu'Allah a ordonné la piété et la crainte d'Allah aux croyants lorsqu'il dit: ô vous qui croyez, craignez Allah d'une crainte véridique et ne mourrez qu'en étant musulman. Donc nous revenons à l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Il dit: فَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ عَظِيمَةٌ. C'est donc une parole générale et d'une grande importance, yani la taqwa, la piété. C'est une parole générale d'une grande importance. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith nous dit: crains Allah où que tu sois. فيجب على المسلم أن يتقي الله في أي مكان وفي أي زمان. Donc le musulman doit craindre Allah à toute époque et dans tout endroit. Le musulman doit craindre Allah à toute époque et dans tout endroit. حينما يظهر مع الناس وحينما يكون وحده لا يتغير تعامله مع الله. Que ce soit lorsqu'il est en présence des gens ou lorsqu'il est seul, sa relation avec Allah ne change pas. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insan yajib alayhi an la yanzura ila an-nas wa la yakhsha an-nas wa innama yakhsha Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme, il est une obligation pour l'homme de ne pas prêter attention aux gens et de ne pas craindre les gens, mais de ne craindre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. سواء كان مع الناس أو كان خاليا بنفسه. Qu'il soit avec les gens ou bien qu'il soit seul et isolé. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله يعلم حاله. Car Allah connaît sa situation et connaît son état. حتى لو توارى عن الناس فإن الله لا يخفى عليه شيء. Même s'il se cache des gens, certes, rien ne peut être caché à Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Allah le Très-Haut dit dans la traduction rapprochée du verset, certes, rien parmi les choses qu'il y a sur terre ou dans les cieux n'est caché à Allah. وقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. Et également, il dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, il se cache des gens, mais il ne se cache pas d'Allah, alors qu'il est avec eux, lorsqu'ils complotent la nuit des paroles qui ne lui plaisent pas, et qui ne plaisent pas à Allah. Amma an-nas فهم لا يعلمون عن باطنك. Quant aux gens, ils ne savent pas ce qu'il y a en toi. Ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. ولو كنت جالسا بينهم. Même si tu es assis avec eux, ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qu'il y a dans ton cœur. ومن باب أولى أن لا يعلموا عنك شيئا إذا اختفيت عنهم. Et donc, plus à même qu'ils ne savent pas ce que tu fais ou ce que tu penses lorsque tu te caches d'eux. لكن الله تعالى يعلم. Cependant, Allah, lui, il sait. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est pour cela qu'Allah C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'excellence, l'ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes il te voit. ثم إن بعض الناس إذا كان في بلاد المسلمين أظهر الإسلام فإذا ذهب إلى بلاد الكفر تنكر ووافق الكفار على ما هم عليه. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont dans les pays musulmans, ils montrent l'islam. Puis lorsqu'ils partent dans les pays mécréants, ils changent. Et ils se conforment au mode de vie des mécréants. فيتلون كما تتلون الحرباء وهذا أمر لا يجوز. Tu les vois qui changent tout comme le caméléon change de couleur. Et ceci est une chose qui n'est pas permise. والواجب على المسلم أن يخاف الله ويراقبه سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي بلاد. Mais il est plutôt une obligation pour le musulman de craindre Allah et d'avoir conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit où qu'il soit et dans n'importe quel pays. Thaniyan baynahu wa bayna nafsihi. Deuxièmement, la relation de l'homme envers lui-même. Ceci est la deuxième exhortation Car comme Cheikh a expliqué au début de l'explication de ce hadith, il dit que ce hadith contient trois phrases et chaque phrase est une exhortation à elle-même. Donc il a dit la première, c'est en ce qui concerne ta relation avec Allah. Et là, il te dit la deuxième, c'est en ce qui concerne ta relation avec toi-même. قال صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه تمحوها. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit fais suivre la mauvaise action par une bonne qui l'effacera. لما امره بالتقوى وكان لا بد ان يقع منه احيانا تفريط بترك بعض المامورات او بارتكاب بعض المحظورات أمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة وهو أن يتبعها بالحسنة. De l'explication d'Ibn Rajab, il dit après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait ordonné de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et vu qu'il est obligatoire que l'homme de temps en temps soit négligent vis-à-vis de cela et des manquements, soit en délaissant certains ordres, ou soit en faisant certains interdits. Donc, vu qu'il est obligatoire que l'homme tombe dans certains péchés et qu'il ne puisse pas concrétiser la piété totalement, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire des choses qui vont effacer les péchés. Et c'est de le faire suivre par une bonne action. فإذا صدرت من العبد سيئة يقول شيخ الفوزان فإذا صدرت من العبد سيئة يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويتبعها بحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات. Donc lorsque le serviteur va commettre un péché, il est une obligation pour lui de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire suivre ce péché par des bonnes actions. Car les bonnes actions effacent les mauvaises. كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كما الله سبحانه وتعالى a dit et accomplit la prière aux deux extrémités du jour, et une partie de la nuit, car certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. وَكُلُّ سَيِّئَةٍ لَهَا مَا يُقَابِلُهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ فليس كل سيئة تمحوها أي حسنة. Cheikh Saleh Ali Cheikh, lorsqu'il parle de ce passage du hadith, il dit chaque péché, il a son équivalent il a son équivalent, hein? Il a son contraire il a son contraire parmi les hasanat, parmi les bonnes actions. Et donc, ce n'est pas tout péché qui est effacé par n'importe quelle bonne action. فَإِذَا عَظُمَتِ السَّيِّئَةِ فَلَا يَمْحُوهَا إِلَّا الْحَسَنَاتُ الْعِظَامِ. Donc, lorsque le péché s'agrandit, Et plus le péché est grand, et plus la bonne action qui pourra l'effacer devra être grande. Wa amma al-kaba'ir فلا بد لها من توبة على الصحيح كما بينه ابن رجب رحمه الله. Quant aux grands péchés, il nécessite absolument qu'il y ait un repentir, selon l'avis prépondérant des savants sur la question. Car les grands péchés ne peuvent être effacés par les bonnes actions simplement. Et ceci est l'avis prépondérant, comme l'a expliqué Ibn Rajab. Et ce qui prouve cela, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-salawatu al-khams wal-jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima baynahunna idha jtunibat il-kaba'ir » Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les cinq prières et du vendredi au vendredi et de Ramadan à Ramadan tout cela vaut expiation des péchés qui sont commis entre eux tant que les grands péchés sont tant que l'on s'écarte du grand péché. وقوله هنا في هذا الحديث تمحوها أي تزيلها وتكفرها. في الشيخ صالح الفوزان دي lorsqu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsqu'il dit qu'il effacera, c'est-à-dire qu'il effacera et l'expiera. C'est une expiation. La bonne action est une expiation du péché. هَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ceci fait partie de la grâce d'Allah. وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْأُمُورِ الَّتِي يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهَا الذُّنُوبِ. Et ceci fait partie des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala expie les péchés. وَكَذَلِكَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الْفَرَائِدِ فَإِنَّ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ الذُّنُوبَ الصَّغَائِرِ. Et également celui qui est assidu dans les obligations, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala par là lui expiera de ses petits péchés. فَلَا تَقْنُتْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Donc ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. بَلْ بَادِرْ إِلَى التَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Mais empresse-toi de te repentir à Allah. قال تعالى قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah le Très-Haut dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, dit ô mes serviteurs, dit ô mes serviteurs qui avez commis des injustices envers vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc le repentir efface tout ce qui est venu avant lui. Balil mushriku wal kafir idha taba taba Allahu alayhi. Et carrément, le polythéiste et le mécréant, s'il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, Allah accepte son repentir. Qala ta'ala, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Allah dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, dit à ceux qui ont mécru, s'ils cessent, il leur sera pardonné ce qu'ils ont commis par le passé. Donc si ceci, c'est pour le mécréant qui se repent de sa mécréance, alors que dire du péché qui est en dessous de la mécréance et du polythéisme, du shirk? Assurément, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonnera à celui qui s'en repent sincèrement. فلا تتعاظم الذنوب. Donc, n'exagère pas dans l'immensification des péchés. وتيأس من رحمة الله, jusqu'à ce que tu désespères de la miséricorde d'Allah. وتيأس من التوبة, et que tu désespères du repentir. Tubi ila Allahi azza wa jal. Repentis-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. La yakfi at-tawbatu bil lisan. Al atbi' tawbatak bi 'amali s-salihat. Puis il ne suffit pas simplement de se repentir avec la langue, mais fais suivre ton repentir par des bonnes actions. Qala ta'ala illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Le Très-Haut dit dans la traduction rapprochée du sens du verset: sauf celui qui se repent, croit et accomplit bonne œuvre, alors cela, Allah subhanahu wa ta'ala changera leurs péchés en bonnes actions. Et certes, Allah est le grand pardonneur et le très miséricordieux. Et là, je rajoute une petite précision. Car on voit beaucoup de personnes qui tombent dans des innovations ou qui tombent dans des péchés ou qui tombent dans des erreurs. Et surtout, dans ceux qui, au jour d'aujourd'hui, sont médiatisés par Internet ou par la télé et qui commettent de graves erreurs dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui apportent des innovations et mettent des gens dans l'égarement et dans l'ambiguïté. Puis ces gens-là, lorsqu'on leur montre leurs erreurs, soit ils s'enorgueillissent et n'acceptent pas de reconnaître leurs erreurs, alors que les preuves du Coran et de la Sunna, la compréhension des salafs et leur contradiction à la voix des salafs sont claires. Donc certains s'enorgueillissent et ne veulent pas les reconnaître, ou d'autres vont les reconnaître mais ne vont pas réparer leur erreur. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit bien, sauf celui qui se repent, croit et accomplit bonne œuvre. Et dans l'autre verset, dans Surat al-Baqara, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce vers, dans ces deux versets de sourate al-Baqara, il dit, il dit, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, en fait de preuves et de guides, après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent, sauf ceux qui se sont repentis, ont corrigé et ont déclaré. Deux, je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant au repentir miséricordieux. Donc il ne suffit pas simplement de reconnaître l'erreur, mais il faut également la corriger et revenir, pour celui qui est tombé dans la bid'a, revenir à la sunna. Et dire clairement que l'on s'est trompé. والرجوع إلى الحق والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. Et le fait de revenir à la vérité est bien meilleur que le fait de s'entêter dans le faux. Certains vont dire, j'ai fait telle erreur, mais mon intention était telle ou telle chose. J'ai fait telle erreur, mais il y a des savants qui ont dit cela. Donc pour lui, juste le fait qu'il y a des savants qui ont dit ce qu'il a dit, Ceci lui vaut comme excuse. Naam, le fait de tomber dans cette erreur en suivant un savant avant que l'épreuve te soit venue, là oui, naam, on accepte cela de toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'excusera. Naam, si tu t'es basé sur l'avis d'un savant reconnu comme faisant partie des savants salafis, tu t'es basé sur sa parole, qui en fait était une erreur, naam, ceci est accepté de toi avant que l'épreuve te soit démontrée. Mais après que l'épreuve te sont démontrées, tu n'as plus le droit de t'accrocher à la parole d'un savant s'il contredit cette preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quiconque fait scission d'avec le messager, Allah nous dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, quiconque fait scission d'avec le messager après que les preuves lui furent clairement exposées et qui suit un chemin autre que celui des croyants, nous le détournerons comme il s'est détourné et nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc, après l'exposé des preuves, indiscutables, tu n'as plus le droit de prendre l'avis de quiconque, quel que soit son rang et quel que soit son niveau dans la science. Si nous délaissons certaines paroles de l'imam Malik ou de l'imam Shafi'i ou de l'imam Ahmed ou d'autres parmi les grands savants de l'islam, mais carrément même si nous délaissons certaines paroles de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu ou de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, alors que dire des paroles de savants contemporains? Nous devons respecter les savants et nous devons les aimer, mais lorsque l'épreuve montre que tel savant s'est trompé, alors nous n'avons plus le droit de prendre sa parole sur ce point-là. Et s'il fait partie des savants de la Sunna, nous devons toujours garder le respect pour lui. Tout en rejetant sa parole dans laquelle il s'est trompé. Et c'est ce que l'imam Malik rahimahullah disait lorsqu'il disait: kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadha al-qabr. De tout le monde on accepte de ses paroles et on rejette de ses paroles sauf celui qui est dans cette tombe, et il a montré la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ثالثا بينك وبين الناس. Troisièmement, la troisième exhortation qui est contenue dans ce hadith, c'est une exhortation concernant ta relation avec les gens. قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. Et comporte-toi avec les gens d'une bonne manière et un bon comportement avec les gens. أي تعامل معهم بالمعاملة الطيبة وبالخلق الحسن وبالكلام الطيب. C'est-à-dire, et un bon comportement avec eux et prononce de belles paroles. Prononce-leur de belles paroles. Wabil bashasha. Et sois souriant. Inna dhalika mimma yazra'u al-mawaddata fi qulubi fil qulub wa yu'allifu bayna an-nas. Car ceci met de l'amour dans les cœurs. Et ceci rallie les gens et réunit les gens. Le bon comportement, les belles paroles et le sourire à tes frères, tout cela met de l'amour entre les musulmans et les réunit. والخلق الحسن صفة حميدة تكون في الإنسان يمنحه الله لمن يشاء من عباده. Et le bon comportement, c'est une bonne qualité ou c'est une qualité louable qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut parmi ses serviteurs. وفسر عبد الله بن المبارك التابع المعروف حسن الخلق بأنه بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. Et عبد الله بن المبارك, lorsqu'il a défini le bon comportement, il a dit: le bon comportement, c'est d'avoir un visage souriant, de faire le bien et de préserver les gens de son mal. وَالْإِنسَانُ يَتَخَلَّقُ بِالْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ. Et donc, il est demandé à l'homme, et à l'être humain, d'avoir un bon comportement. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله أو رحمهم الله. Certes, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: parmi les choses qui seront mises dans la balance au jour de la résurrection, il n'y a pas une chose plus lourde que le bon comportement. Et certes, celui qui a un bon comportement atteint grâce à cela le degré de celui qui fait beaucoup de jeûnes et de prières. Rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Albani, rahimahullah. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى dit au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم: et certes tu as été doté d'un comportement éminent. شهد الله له بالخلق العظيم. الله سبحانه وتعالى a témoigné que le prophète صلى الله عليه وسلم était éminent dans son comportement, c'est-à-dire avait un très très bon comportement. وَلِهَذَا تَحَوَّلَ أَعْدَاؤُهُ إِلَى أَصْدِقَاء. Et c'est pour cela que ses ennemis sont devenus après cela ses amis. Ceux qui étaient ses ennemis sont devenus, grâce à son bon comportement, sont devenus des amis. وَصَارُوا مِنْ خَوَاسِ أَصْحَابِهِ بِسَبَبِ خُلُقِهِ. Et grâce à son bon comportement, ses anciens ennemis sont devenus ses plus proches compagnons. وَصَارُوا يُدَافِعُونَ عَنْهُ وَيُنَافِحُونَ عَنْهُ ويجاهدون معه صلى الله عليه وسلم. Et ce, ils sont devenus des gens qui ont défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont combattu avec lui. وهم بالأمس كانوا من ألد الأعداء. Alors qu'hier, alors qu'auparavant, ils faisaient partie de ses pires ennemis. لكن بتعامله وخلقه صلى الله عليه وسلم مع الناس استجلابهم إلى الإسلام. Mais grâce à son comportement éminent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à les attirer dans l'islam. وهكذا يكون الذي يدعو إلى الله بالخصوص. Et c'est ainsi que doit être celui qui appelle à Allah plus précisément. يكون ذا خلق حسن. Il doit être doté d'un bon comportement. فيتعامل مع الناس بالحسنى واللطافة واللين حتى يستجلبهم إلى فعل الخير وإلى التوبة إلى الله وإلى قبول الدعوة. Il doit se comporter avec les gens d'une bonne manière. Il doit être doux et indulgent avec eux pour pouvoir les attirer à faire le bien. Et à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et à accepter le message qu'il leur amène, le message de l'islam. Et ici, j'aimerais vous lire un passage de l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen qui est en rapport avec cela. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, lorsqu'il parle des leçons à tirer de ce hadith, il dit الحث على مخالقة الناس بالخلق الحسن. Que ce hadith, parmi les leçons qu'on en tire, c'est l'incitation et la motivation et l'encouragement à se comporter avec les gens d'une bonne manière, d'avoir un bon comportement avec les gens. Puis ensuite, Cheikh, il dit فإن قيل معاملة الناس بالحزم والقوة والجفاء أحيانا هل ينافي هذا الحديث أو لا. Donc il dit ensuite, si quelqu'un pose la question, est-ce que le fait de se comporter avec les gens d'une manière ferme et dure de temps en temps, le fait d'être ferme et d'être dur de temps en temps avec les gens, est-ce que ceci contredit ce hadith ou non? Le cheikh répond, il dit, Al-Jawab, la yunafihi, لأنه لكل مقام مقال. Cheikh, il dit, ceci ne contredit pas ce hadith, ni le fait d'être ferme et d'être dur de temps en temps avec les gens. Ceci ne contredit pas ce hadith, car chaque situation a le comportement qui lui convient. فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَعَلَيْكَ بِاللِّينِ وَالْرِفْقِ. Ensuite, Cheikh, il dit, si jamais il y a un intérêt dans le fait d'être dur et ferme, alors tu dois l'être. Tu dois l'être, il te dit. Si jamais il y a un intérêt à être dur et ferme, il dit, tu dois l'être. Tu dois être dur et ferme. Et si jamais c'est le contraire, c'est-à-dire si jamais il n'y a pas d'intérêt à être dur et à être ferme, alors tu dois être doux et indulgent. Ensuite, Cheikh, il dit, وَإِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ اللِّينِ وَالْرِفْقِ أَوِ الشِّدَّةِ وَالْعُنْفِ فَعَلَيْكَ بِاللِّينِ وَالْرِفْقِ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولقد جرت أشياء كثيرة تدل على فائدة الرفق. Donc ensuite, Cheikh, il dit, et si jamais la situation, elle est tendancieuse, c'est-à-dire, tu ne sais pas, est-ce que il y a plus d'intérêt à être doux ou plus d'intérêt à être dur, alors à ce moment-là, tu dois être doux et indulgent. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah est doux et il aime la douceur dans toutes choses. Et il y a beaucoup de choses qui sont venues prouver le bénéfice de la douceur, le cheikh dit. Puis après, il donne un exemple, mais je ne vais pas trop m'attarder car le temps est pratiquement écoulé. Donc, la conclusion, ce que l'on retire de cette parole de Cheikh Al-Uthaymin, c'est qu'il y a des moments dans lesquels la dureté est demandée. Et il y a des moments dans lesquels la douceur est demandée. Et lorsque tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu ne sais pas est-ce que tu dois être dur ou doux, alors à ce moment-là, fais prévaloir la douceur sur la dureté. Car la douceur est la base. La douceur est la base. Et on n'est dur que lorsqu'il y a un intérêt religieux à cela. Un intérêt... un intérêt acceptable religieusement. Taïb. Et donc, ce qui résume cela, c'est lorsque lorsqu'Ibn Rajab, rahimahullah, a parlé donc de Husn al-Khuluq, il a rapporté de certains savants. Il dit, قال بعض أهل العلم حسن الخلق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر والعفو عن الزالين إلا تأديبا أو إقامة حد وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر وأخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. Donc Ibn Rajab, il rapporte la parole de certains savants, il dit, certains savants ont dit, le bon comportement, c'est de retenir sa colère pour Allah et de montrer le sourire et la tendresse aux gens. Sauf pour l'innovateur et le grand désobéissant. C'est-à-dire, l'innovateur et le grand désobéissant, eux, tu ne leur montres pas le sourire et la tendresse. Et également, toujours dans le bon comportement, c'est de pardonner et d'être indulgent envers ceux qui commettent des erreurs. Sauf pour les éduquer ou pour appliquer sur eux la sentence d'Allah. Et de préserver les gens, et de préserver tout musulman ou toute personne avec qui tu as un pacte, de le préserver de ton mal. Sauf lorsque tu dois corriger un acte blâmable, ou que tu dois récupérer le droit d'une personne qui a été opprimée. Tout cela, bien sûr, sans dépasser les limites. Donc, vous voyez que le bon comportement contient de retenir sa colère pour Allah et de montrer la tendresse et le sourire, sauf pour l'innovateur et le grand désobéissant. De pardonner et d'être indulgent envers ceux qui font des erreurs, sauf pour les éduquer et les corriger et leur appliquer la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de préserver les musulmans et les mécréants avec qui nous avons un pacte, de les préserver de notre mal, sauf lorsque l'on doit corriger un acte blâmable ou récupérer le droit d'une personne qui a été opprimée, sans dépasser les limites. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, pour finir, il dit « فهذه الكلمات العظيمة منهج يسير عليه المسلم وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم يجمع فيها بين خير الدنيا والآخرة » Donc ces quelques paroles immenses que le prophète a prononcées dans ce hadith, elles montrent la voie que, sur laquelle le musulman doit marcher. Et ce hadith fait partie des paroles concises qui ont été données au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui regroupe le bien qu'il y a sur terre et dans l'au-delà. Qui regroupe tout le bien qu'il y a sur terre et tout le bien qu'il y a dans l'au-delà. Et c'est ainsi que se termine ce hadith. Et demain, bi'idhnillah, nous expliquerons le hadith numéro 23 qui commence par la parole du prophète sallam, at-tuhur shatrul iman, la purification est la moitié de la foi, etc. Le hadith numéro 23, inshallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.